Rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira « Que vous a-t-on donné comme réponse ?» Ils diront « Nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. »